J'ai raté la mesure. You're ready for solo music. Est-ce que t'es prêt, Zig, pour faire le solo? Je vais chanter, après je te laisse faire le solo, d'accord? T'es ok? T'es prêt pour le solo? Je chante un peu, après j'arrête, je te laisse faire le solo. On va y aller. Or, si tu veux, tu commences par le solo. Et après, je chante. Ouais, tu commences le solo. Ça va pas, ça va pas, ça m'a niqué les oreilles, l'américain. Come on! Come on, play the solo.